36e chapitre. Comment Pritchard commença de ressembler au maréchal de Saxe à qui Mars n'avait laissé d'entier que le cœur. À mon retour en France, je trouvai une maison que je faisais bâtir sur la route de Marly, à peu près achevée. En quelques semaines, je fis placer les papiers et les boiseries de tout un étage, de sorte que je pus condescendre au désir de mon propriétaire de la Villa Médicis, qui, ayant vu que j'avais dépensé de 7 à 8 000 francs pour faire arranger sa maison, avait conçu le désir tout naturel de rentrer dedans et de profiter des améliorations que j'y avais faites. Je quittai donc Saint-Germain pour aller habiter au Port Marly, la fameuse maison qui fut baptisée depuis par Madame Mélingue du nom de Monte-Cristo et qui fit tant de bruit depuis de par le monde. Michel avait dès longtemps pris toutes ses dispositions pour le logement des animaux. Je dois dire qu'il s'était beaucoup moins préoccupé du mien et même du sien. Je ne sais pas dans quel état est Monte-Cristo aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que de mon temps, il n'y avait jamais eu ni mur, ni fossé, ni haie, ni clôture quelconque. Il en résulte que les gens comme les bêtes pouvaient entrer à Monte-Cristo, s'y promener tout à leur aise, cueillir les fleurs, cueillir les fruits, sans crainte d'être prévenu de vol avec escalade ou effraction. Quant aux animaux, et c'est des chiens particulièrement que je veux parler, Pritchard, qui était fort hospitalier de sa nature, leur faisait les honneurs de la maison avec une désinvolture et un désintéressement tout écossais. Cette hospitalité s'exerçait de la part de Pritchard de la façon la plus simple et la plus antique. Il s'asseyait au beau milieu de la route de Marly, allait à tout chien qui passait avec ce grognement moitié menaçant, moitié amical, qui constitue la manière de s'aborder des chiens, souhaitait le bonjour au nouveau venu en lui flairant sous la queue et se prêtait sans répugnance aucune à la même cérémonie. Puis, quand la sympathie s'était développée à l'aide de ses attouchements, la conversation s'engageait à peu près en ces termes. « As-tu un bon maître ?» demandait le chien étranger. « Pas mauvais, » répondait Pritchard. « Est-on bien nourri chez ton maître ?»« Mais on a la pâtée 2 fois par jour, des os au déjeuner et au dîner, et pendant le reste de la journée, ce qu'on peut voler à la cuisine. » Le chien étranger se léchait les babines. « Peste !» disait-il. « Tu n'es pas malheureux. »« Je ne me plains pas, » répondait Pritchard. Puis, voyant que le chien étranger devenait pensif. « Te plairait-il, » lui disait Pritchard, « de dîner avec moi ?» Les chiens n'ont pas, en ce cas, la sotte habitude qu'ont les hommes de se faire prier. Le convié acceptait avec reconnaissance. Et à l'heure du dîner, j'étais fort étonnée de voir entrer à la suite de Pritchard un animal que je ne connaissais pas, qui s'asseyait à ma droite si Pritchard s'asseyait à ma gauche et qui allongeait sur mon genou une patte solliciteuse de manière à me prouver que les meilleurs rapports lui avaient été faits sur ma charité chrétienne. Invité sans doute par Pritchard à passer la soirée avec lui, comme il y avait passé la journée, le chien restait, trouvait le soir qu'il était trop tard pour retourner chez lui, se coucher à un endroit ou à un autre sur le gazon, et passer là sa grasse nuit. Le matin, au moment de s'en aller, le chien faisait 3 ou 4 pas vers la porte. Puis, se ravisant, disait à Pritchard, « Est-ce que ça serait bien indiscret si je restais dans la maison ?» Pritchard répondait, avec certains ménagements, tu pourrais parfaitement faire croire que tu es le chien du voisin. Au bout de 2 ou 3 jours, on ne fera plus attention à toi, et tu seras de la maison, ni plus ni moins que ces fainéants de singes qui ne font rien de la journée, que ce gourmand de vautour qui ne fait que manger des tripes, et que ce piolard d'ara qui crie toute la journée sans savoir ce qu'il dit. Le chien restait, se dissimulait le premier jour, me faisait la révérence le second, sautait après moi le troisième, et il y avait un autre de plus dans la maison. Cela dura jusqu'à ce que Michel me dit un jour « Monsieur, sait-il combien il y a de chiens ici ?»« Non, Michel, » répondis-je. « Monsieur, il y en a 13. C'est un mauvais compte, Michel, et il faut prendre garde qu'ils ne se mettent à table tous ensemble. Il y en aurait infailliblement un qui mourrait le premier. » « Mais ce n'est pas cela, monsieur, » me dit Michel. « Qu'est-ce que c'est ? C'est que ces gaillards-là mangeraient par jour un bœuf avec ses cornes. » « Croyez-vous qu'ils mangeraient les cornes, Michel ? Moi, je ne crois pas. » « Ah, si monsieur le prend comme cela, je n'ai rien à dire. » « Vous avez tort, Michel. Dites, je le prendrai absolument comme vous voudrez. » « Eh bien, si monsieur veut me laisser faire, je prendrai tout simplement un fouet et je mettrai tout ça à la porte dès ce matin. » « Michel, mettons-y des formes. Tous ces chiens, au bout du compte, en restant ici, rendent un hommage à la maison. » « Donnez-leur aujourd'hui un grand dîner, prévenez-les que c'est le dîner d'adieu, et au dessert, vous les mettrez tous à la porte. »« Comment monsieur veut-il que je les mette à la porte ? Il n'y en a pas de porte. »« Michel, repris-je, il faut supporter certaines charges qui sont les conditions du terrain, de la position sociale, du caractère que l'on a le malheur d'avoir reçu du ciel. » Puisque les chiens sont dans la maison, et mon Dieu, qu'ils y restent. Je ne crois pas que ce soit les bêtes qui me ruinent jamais, Michel. Seulement, dans leur intérêt, veillez à ce qu'ils ne soient plus 13, mon ami. Monsieur, j'en chasserai un, afin qu'il ne soit plus que 12. Non, Michel, laissez-en venir un, au contraire, afin qu'il soit 14. Michel poussa un soupir. « Si c'était une meute encore, » murmura-t-il. « C'était une meute, une singulière meute. Il y avait un loup de Vienne, il y avait un caniche, il y avait un barbet, il y avait un griffon, il y avait un basset à jambes torses, il y avait un faux terrier, un faux King Charles, il y avait jusqu'à un chien turc qui n'avait de poils partout le corps, qu'un plumet sur la tête et une bouffette au bout de la queue. Eh bien, tout ça vivait ensemble dans la meilleure harmonie du monde. C'était à donner des leçons de fraternité à un phalanster ou à une confrérie de frères moraves. Il y avait bien, à l'heure des repas, quelques coups de dents donnés et rendus à droite et à gauche. Il y avait bien quelques querelles d'amour, dans lesquelles, comme toujours, le plus faible était vaincu. Mais la plus touchante harmonie, il faut le dire, se rétablissait dès que j'apparaissais dans le jardin. Alors, pas un qui, si paresseusement étendu qu'il fût au soleil, qui, si douillettement qu'il fût couché sur le gazon, qui, si amoureusement qu'il causa avec sa voisine, n'interrompit son repos, sa sieste, sa causerie, pour venir à moi l'œil tendu et la queue agitée. Tout cela essayait de me prouver sa reconnaissance, chacun à sa façon, les uns en se glissant familièrement entre mes jambes, les autres en se dressant sur leurs pattes de derrière et en faisant ce qu'on appelle les beaux, les autres enfin en sautant par-dessus la canne que je leur tendais, soit pour l'empereur de Russie, soit pour la reine d'Espagne, mais refusant, avec une obstination toute classique, de sauter pour ce pauvre roi de Prusse, le plus humble et le plus populaire de tous les monarques, non seulement parmi son peuple, mais parmi les chiens de toutes les nations du monde. On recruta une petite épagneule nommée Lisette, et le nombre des chiens fut porté à 14. Eh bien, ces 14 chiens, tout compte fait, me coûtait 50 ou 60 francs par mois. Un seul dîner, donner à 5 ou 6 de mes confrères m'eût coûté le triple, et encore fussent-ils certainement sortis de chez moi en trouvant mon vin bon, peut-être, mais à coup sûr, ma littérature mauvaise. Au milieu de toute cette meute, Pritchard s'était choisi un compagnon et Michel un favori. C'était un basset à jambes torses, court, trapu, marchant sur le ventre, et qui, de son plus grand train, eût bien fait 1 lieue en 1 heure et demie. Mais, comme disait Michel, la plus belle gorge du département de Seine-et-Oise. En effet, Portugo, c'était son nom, avait une des plus belles voix de basse qui eussent jamais été entendues sur la piste d'un lapin, d'un lièvre ou d'un chevreuil. Quelquefois, la nuit, pendant que je travaillais, cette voix majestueuse se faisait entendre dans les environs, et c'était une voix à réjouir Saint-Hubert dans son tombeau. Que faisait Portugo à cette heure, et pourquoi veillait-il quand le reste de la meute dormait? Ce mystère me fut révélé un matin. « Monsieur, me dit Michel, voudrait-il manger à son déjeuner une jolie gibelotte ?»« Bon, lui demandai-je, est-ce que Vatrin a envoyé des lapins ?»« Ah bien oui, monsieur Vatrin, il y a plus d'un an que je ne l'ai vu. »« Eh bien alors, monsieur n'a pas besoin de savoir d'où vient le lapin, pourvu que la gibelotte soit bonne. »« Prenez garde, Michel, lui dis-je, vous vous ferez pincer, mon ami. » Ah, par exemple, monsieur, je n'ai pas seulement touché 1 fois mon fusil depuis la fermeture de la chasse. Je vis que Michel avait son parti pris de ne rien dire ce jour-là. Mais je connaissais Michel, et je savais bien qu'un jour ou l'autre, il desserrerait les dents. Eh bien oui, Michel, lui dis-je, je mangerai volontiers ce matin une gibelotte. « Monsieur veut-il la faire lui-même ou veut-il qu'Augustine la fasse ?»« Qu'Augustine la fasse, Michel. J'ai à travailler ce matin. » Ce fut Michel qui me servit à déjeuner au lieu de Paul. Il voulait jouir de ma satisfaction. La fameuse gibelotte fut apportée à son tour. J'en suçai jusqu'au dernier os. « Alors, monsieur l'a trouvée bonne ?» me demanda Michel. « Excellente! Eh bien, monsieur peut en avoir comme ça tous les matins si ça lui fait plaisir. »« Michel, tous les matins? Il me semble que vous vous avancez beaucoup, mon ami. »« Je sais ce que je dis. »« Eh bien, Michel, nous verrons. Les gibelottes sont bonnes. Mais il y a certains contes intitulés « Le pâté d'anguille » dont la morale est qu'il ne faut abuser de rien. » Pas même des gibelottes. D'ailleurs, avant de faire une pareille consommation de lapins, je voudrais savoir d'où ils viennent. Monsieur le saura la nuit prochaine s'il veut venir avec moi. Quand je vous disais, Michel, que vous étiez un braconnier. Oh, monsieur, c'est-à-dire que je suis innocent comme l'enfant qui vient de naître. Et, comme je le dis à monsieur, s'il veut venir avec moi la nuit prochaine. Bien loin d'ici, Michel? À 100 pas seulement, monsieur. À quelle heure? Au moment où monsieur entendra le premier coup de gueule de Portugo. Eh bien, c'est dit, Michel. Si vous voyez de la lumière dans ma chambre au moment où Portugo aboiera, je suis à vous. J'avais à peu près oublié cette promesse faite à Michel, et je travaillais selon mon habitude, lorsque, par un magnifique clair de lune vers 11 heures du soir, Michel entra dans ma chambre. « Eh bien, lui dis-je, Portugo n'a pas encore aboyé, ce me semble. »« Non, me dit-il, mais j'ai pensé que si monsieur attendait ce moment-là, il perdrait le plus curieux. »« Que perdrais-je donc, Michel ?»« Monsieur perdrait le conseil de guerre. » Quel conseil de guerre? Celui qui se tient entre Pritchard et Portugo. Vous avez raison, ce doit être très curieux. Si monsieur veut descendre, il verra. » Je suivis Michel, et en effet, au milieu du bivouac des 14 chiens couchés chacun à son caprice, Portugo et Pritchard, assis gravement sur leur train de derrière, semblaient débattre une question de la plus haute importance. Cette question débattue, Pritchard et Portugo se séparèrent. Portugo sortit par la porte, suivit le chemin du haut marli qui contournait la propriété et disparut. Quant à Pritchard, en chien qui a du temps devant lui, il se mit à suivre au pas le petit sentier qui, longeant l'île, montait au-dessus de la carrière. Nous emboîtâmes le pas derrière Pritchard, qui ne parut pas s'inquiéter de nous, quoique, évidemment, il nous eût éventé. Pritchard monta jusqu'au sommet de la carrière, sommet planté d'une vigne qui s'étendait jusqu'au chemin de Marly d'en haut. Là, il explora avec le plus grand soin le terrain en suivant la ligne de la carrière, rencontra une piste, la reconnut pour fraîche, fit quelques pas dans le sillon tracé par un double rang d'échalas, se coucha à plat ventre et attendit. Presque en même temps, le premier coup de gueule de Portugo se faisait entendre à 500 pas de là. Dès lors, la manœuvre était claire. Le soir, les lapins sortaient de la carrière et s'en allaient au gagnage. Pritchard relevait la piste de l'un d'eux, Portugo faisait un grand détour, attaquait le lapin. Et comme un lapin ou un lièvre revient toujours sur sa passée, Pritchard traîtreusement, embusqué, l'attendait au retour. En effet, comme les abois de Portugo se rapprochaient de plus en plus, nous vîmes l'œil moutard de Pritchard s'enflammait peu à peu comme une topaze. Puis, tout à coup, s'aidant de ses quatre pattes pliées comme un quadruple ressort, il fit un bond, et nous entendîmes un cri de surprise et de détresse tout à la fois. « Le tour est fait, » dit Michel. Et il alla, Pritchard, lui prit des dents un fort joli lapin, l'acheva d'un coup sur la nuque, en fit la curée à l'instant même, et en distribua les entrailles à Portugo et à Pritchard, qui partagèrent en frères, n'ayant probablement qu'un regret, c'est que l'intervention de Michel, appuyée de la mienne, les priva du tout pour ne leur laisser que la partie. Comme le disait Michel, j'eusse donc pu, si tel eût été mon désir, avoir tous les matins à déjeuner une gibelotte de lapin. Mais sur ces entrefaites, il se passait à Paris des choses qui rendaient mon séjour à la campagne impossible. On ouvrait le théâtre historique. Maintenant, comme ceci n'est ni un livre, ni un roman, ni une leçon de littérature, mais tout simplement un bavardage entre vous et moi, chers lecteurs, laissez-moi vous raconter la légende de ce pauvre théâtre historique qui a été un instant, comme vous vous le rappelez bien, la terreur du théâtre français et l'exemple des autres théâtres. S'il y avait eu des chutes, il eût été soutenu par ces grands souteneurs de chutes qu'on appelle directeurs des beaux-arts. Il n'avait eu que des succès. Les directeurs des beaux-arts l'ont abandonné. Voici donc comment la chose était arrivée. En 1845 ou 1846, je ne me rappelle plus bien, je donnais au théâtre de l'Ambigu mes premiers mousquetaires. Monsieur le duc de Montpensier assistait à la première représentation. Un de mes bons amis, le docteur Pasquier, était son chirurgien. Après le cinquième ou sixième tableau, le duc de Montpensier m'envoya Pasquier pour me féliciter. Après la pièce qui avait fini à 2 heures du matin, Pasquier revint me dire que monsieur le duc de Montpensier m'attendait dans sa loge. J'y montai. J'avais très peu connu monsieur le duc de Montpensier. Lorsque le 13 juillet 1842, son frère était mort, c'était presque un enfant encore. Il avait 17 ou 18 ans. Seulement, par les traditions fraternelles du duc d'Aumale et du prince de Joinville, il savait que son frère avait eu pour moi une grande amitié. Je montai donc à la loge du duc de Montpensier avec une certaine émotion. Chacun de ces quatre jeunes princes a en lui quelque chose de son aîné, et à cette époque, comme aujourd'hui, ce n'est pas sans un vif sentiment de douleur que je me trouvais ou me trouverais en contact avec l'un ou l'autre d'entre eux. Le duc de Montpensier m'avait fait demander pour me renouveler les compliments qu'il m'avait déjà fait faire par l'intermédiaire de Pasquier. Le jeune prince, je le savais d'avance, était grand enthousiaste de cette suite de romans historiques que je publiais à cette époque, et particulièrement de cette épopée chevaleresque ayant pour titre « Les Trois Mousquetaires ». « Seulement, me dit-il, je vous ferai le reproche d'avoir fait jouer votre œuvre sur un théâtre secondaire. » « Monseigneur, lui dis-je, quand on n'a pas un théâtre à soi, on fait jouer ses pièces où l'on peut. » « Et pourquoi n'avez-vous pas un théâtre à vous ? » me demanda-t-il. « Mais, Monseigneur, par la raison infiniment simple que le gouvernement ne voudrait pas me donner un privilège. Vous croyez ça ? J'en suis sûr. Bon, et si je m'en mêlais ? Ah, Monseigneur, cela pourrait bien changer la face des choses, mais Monseigneur ne prendra pas tant de peine. Pourquoi cela ? Parce que je n'ai aucun titre pour mériter les bonnes grâces de Monseigneur. Bah, qui vous a dit cela ? De qui cela dépend-il, un privilège ? Du ministre de l'Intérieur, Monseigneur. De Duchâtel, alors. Justement, et je dois avouer à votre Altesse que je ne crois pas qu'il me porte dans son cœur. Au prochain bal de la cour, je danserai avec sa femme, et j'arrangerai cela en dansant. Je ne sais pas s'il eut un bal à la cour. Je ne sais pas si le duc de Montpensier dansa avec madame Duchâtel. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour Pasquier vint me chercher en me disant que le duc de Montpensier m'attendait aux Tuileries. Je montai en voiture avec Pasquier et me rendis chez monsieur le duc de Montpensier. « Eh bien, me dit-il du plus loin qu'il m'aperçut, « votre privilège est accordé. Il ne me reste qu'à vous demander le nom du titulaire. »« Monsieur Austein, lui répondis-je. » Le duc de Montpensier prit le nom de monsieur Austein sur ses tablettes. Puis il me demanda où le théâtre serait bâti, par quelle pièce on commencerait, quelle impulsion je comptais lui donner. Je lui répondis que l'emplacement était déjà choisi et que c'était l'ancien hôtel Foulon. Que la pièce par laquelle j'ouvrirai serait probablement la reine Margot, que, quant à la direction que je comptais lui donner, c'était d'en faire un livre immense dans lequel, chaque soir, le peuple put lire une page de notre histoire. Le privilège fut signé au nom de M. Austein. L'hôtel Foulon fut acheté. Le théâtre historique fut bâti. Et il s'ouvrit, si je me le rappelle bien, un mois après mon retour d'Espagne et d'Afrique, par la reine Margot, comme je l'avais dit à monsieur le duc de Montpensier. L'ouverture du théâtre historique, les répétitions, les représentations, les suites de la représentation, enfin, me tinrent à peu près 2 mois à Paris. La veille du jour où je devais retourner à Saint-Germain, je prévins Michel. Michel m'attendait au bas de la montée de Marly. « Monsieur, me dit-il, dès que je fus à la portée de sa voix, il est arrivé 2 grands événements à la maison. Lesquels, Michel ? D'abord, Pritchard s'est pris la patte de derrière dans un pierge, et l'enragé, plutôt que d'y rester comme un autre chien, aurait fait, s'est rongé la patte avec ses dents, monsieur. Il est revenu à la maison sur 3 quilles. Mais le pauvre animal est mort à la suite de ça ? Ah, bien oui, mort, monsieur. Est-ce que je n'étais pas là, moi ? Que lui avez-vous fait, Michel ? Je lui ai proprement coupé la patte à l'articulation avec une serpette. Je lui ai recousu la peau par-dessus et il n'y paraît pas. Tenez le gardin, le voilà qui vous a flairé et il arrive. En effet, Pritchard arrivait sur trois pattes et à un tel galop que, comme le disait Michel, il ne paraissait point qu'il eût perdu la quatrième. La reconnaissance entre Pritchard et moi fut, comme on le comprend bien, pleine d'émotions de part et d'autre. Je le plaignais beaucoup, le pauvre animal. « Bah, monsieur, me dit Michel, ça fait qu'à la chasse, il ne pointera plus tant. Et l'autre nouvelle, Michel, car vous m'avez dit que vous en aviez deux à m'apprendre. L'autre nouvelle, monsieur, c'est que Jugurtha ne s'appelle plus Jugurtha. Pourquoi cela ? Parce qu'il s'appelle Diogène. Et la raison ? Regardez, monsieur. Nous étions arrivés à l'allée des frênes qui conduisait à l'entrée de la villa. À gauche de l'allée, le vautour se prélassait dans un immense tonneau, défoncé à l'un de ses bouts par Michel. « Ah oui, je comprends, lui dis-je, du moment qu'il a un tonneau. »« C'est ça, répondit Michel, du moment qu'il a un tonneau, il ne peut plus s'appeler Jugurtha, il doit s'appeler Diogène. » Je restais en admiration devant la science chirurgicale et historique de Michel, comme, un an auparavant, j'étais restée en extase devant ses connaissances en histoire naturelle.